Tu sais, Sharif a fait des dizaines et des dizaines de conneries avant de découvrir l'islam. Moi, je ne suis pas musulman. Mais je suis d'accord avec certaines choses que cette religion dit sur les Noirs. Et si Allah arrive à faire de mon fils un homme meilleur que Jésus, alors je suis tout à fait pour. C'est te mettre à genoux pour te vautrer dans le péché, mais pas pour sauver ton âme. Longtemps, j'ai fait du rap de perché à la frontière fine entre péché et prêché. Rapper pour soigner mes plaies et une fois fait, me lever pour plaider. Pour ce faire, arrêt des bêtes, son ciné d'arrêt d'essai, satiser ses planètes. Friser l'explosion de ma planète et c'est pas net quand je me vois dans Star Trek. Merde, qui voudrait être honnête envers soi-même quand l'ego n'a plus de reste. Aucune raison n'aurait pu me ramener de l'univers angoissé dans lequel je ramenais. Me ramasser quand j'en avais assez, même la mort j'aurais pu embrasser. Mais j'ai massé, mon esprit j'ai enlacé et les énergies en moi se sont tissées. Je laisse la place aux idées rationnelles, impuissant face à l'hérésie manichéenne. Là aujourd'hui je me tourne vers le ciel, comme Jung ou encore Albert Einstein. Je laisse la place aux idées rationnelles, impuissant face à l'hérésie manichéenne. Là aujourd'hui je me tourne vers le ciel, comme Jung ou encore Albert Einstein. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Tu n'as pas honte ? J'ai honte que tu sois sorti de mon ventre. Si je suis fils du monde, tu es un enfant de salaud. Auprès de sa montre, l'homme n'entend plus le chant des oiseaux. Dans l'illusion du cerveau, la bêtise est un drapeau qu'on porte sous la maîtrise des cinq sens. Avec quoi on prétend que tout s'explique ? Tant qu'on a du fric, on pense pouvoir vivre. Mais est-ce vraiment logique ? Les billets brûlent vite, mais ne nourrissent jamais un organisme. Le jour où les ressources sont épuisées, tu pourras toujours te torcher et penser à jadis. L'amour et le partage auraient pu nous sauver, ça sera trop tard. L'univers nous regarde d'un autre regard. Les dangers d'une foi manipulés, l'axe du mal sur de nouveaux rails passe l'écart, y'a pas d'escale. Vive la guerre car la paix n'est pas rentable. Je laisse le monde à toutes ses querelles, impuissant face à l'hérésie manichéenne. Là aujourd'hui je me tourne vers le ciel, comme Jung ou encore Albert Einstein. Je laisse le monde à toutes ses querelles, impuissant face à l'hérésie manichéenne. Là aujourd'hui je me tourne vers le ciel, comme Jung ou encore Albert Einstein. Nom de Dieu, tu m'as bousillé le genou, espèce de... Tu sais, dans les cultures anciennes, on pensait que l'ours était l'égal de l'homme. Oh, c'est pas une culture ancienne ici, mon vieux. Parfois, ça l'est.